Une fois l'an, dans le silence, le sacrificateur s'avance, le cœur tremblant, les mains levées, devant ta sainteté. Le nuage couvre le lieu très saint, personne d'autre ne peut entrer. Du sang versé sur le propitiatoire, pour la faute du peuple entier. Ce n'est pas l'homme qui se sauve, ce n'est pas l'œuvre de ses mains, c'est toi qui ouvres le chemin, par le sang et par ton dessein. C'est le jour du pardon, le jour où tu fais grâce, où le poids de nos fautes est levé par ta face. C'est le jour du pardon, le jour de ta compassion, où nos vies sont lavées devant ta présence. De bouc devant ton regard, l'un meurt pour la faute, l'autre porte au désert tout ce qui nous hante. Les mains posées, les fautes confiées, elles quittent le camp en silence. Et dans le vent du désert, tu emportes notre offense. Tu ne gardes pas nos péchés, tu ne comptes pas nos erreurs, tu les éloignes à jamais par ta justice et ton amour. C'est le jour du pardon, le jour où tu fais grâce, où le poids de nos fautes est levé par ta face. C'est le jour du pardon, le jour de ta compassion, à travers les siècles. Il annonce un sang plus fort, un pardon éternel. Il annonce un autre autel, un autre sacrifice, où la grâce devient éternelle, où l'espoir naît en justice. C'est le jour du pardon, le jour où tu as parlé pour toujours, et ton pardon ne s'éteint, il traverse encore nos jours.